Europe On Air avec les centres Europe Direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Europe en Air, l'émission qui vous parle d'Europe et de son actualité. Votre chronique est présentée par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, Centre Europe Direct, Territoire Lorrain. Alors aujourd'hui, on va parler du Pacte Vert et de ses actualités. Et Camille, peux-tu nous rappeler ce qu'est le Pacte Vert européen ? Bien sûr Yves. Alors le Pacte Vert européen, c'est un plan d'action en faveur du climat de l'Union européenne. L'Union européenne s'est fixée pour objectif de parvenir à la neutralité climatique d'ici 2050, c'est-à-dire zéro émission nette de carbone par rapport au niveau de 90. Et le Pacte Vert, c'est justement la déclinaison de cet objectif dans toutes les politiques de l'Union européenne. Et justement, quels sont les domaines concernés ? Eh bien, l'avenir de l'Europe dépend d'une planète en bonne santé et partant de ce principe, il faut que l'ensemble des politiques de l'Union européenne répondent aux objectifs du Pacte Vert. Et donc, tous les secteurs sont concernés par ces initiatives législatives, que ce soit dans le transport, l'énergie, l'alimentation, l'agriculture ou encore la finance durable. Peux-tu nous donner quelques exemples sur la façon dont se décline ce pacte vert ? Oui, alors dans le champ de l'alimentation, par exemple, le 11 février dernier, la Commission européenne a autorisé la commercialisation de grillons domestiques comme aliments dans l'Union européenne. Et y a-t-il beaucoup d'insectes dont la consommation est autorisée au sein de l'UE ? Eh bien, les grillons domestiques sont les troisièmes, après le ver à farine séchée et le criquet migrateur. Comment la décision de commercialisation est-elle prise ? Eh bien, l'Agence européenne de sécurité des aliments, elle a réalisé une première évaluation et elle a conclu que la consommation de cet insecte était sans danger dans le cadre des utilisations proposées. Les États membres ont ensuite approuvé cette demande. Et pourquoi autoriser la commercialisation d'insectes ? Eh bien, ces dernières années, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, a constaté que les insectes constituaient une source alimentaire saine et nutritive, à forte teneur en matières grasses, en protéines, en vitamines, en fibres et en minéraux. Les insectes sont un élément important de l'alimentation quotidienne de centaines de millions de personnes dans le monde. Dans quel cadre s'inscrit cette autorisation ? Eh bien, l'Union européenne a adopté en mai 2020 sa stratégie de la ferme à la table. Cette stratégie, elle vise à faire évoluer le système alimentaire actuel de l'Union européenne vers un modèle plus durable et les insectes étant considérés comme une source potentielle de protéines qui pourrait faciliter la transition vers un système alimentaire plus durable, cette autorisation de commercialisation est donc la bienvenue. Eh bien, on va marquer maintenant une pause musicale dans votre émission Europe On Air. On revient dans quelques instants pour parler du Pacte Vert. Pour l'instant, place à Louis Armstrong avec What a Wonderful World. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. De retour sur Radio Fagette pour l'émission Europe en Air présentée par le Centre Europe Direct Territoire Lorrain. Alors aujourd'hui, on parle du pacte vert et de ses actualités. Et Camille, on a parlé un peu plus tôt d'alimentation, mais tu disais que le pacte vert englobait tous les domaines d'action de l'Union européenne. Oui, effectivement Yves. Hein. D'ailleurs, après plusieurs mesures visant à lutter contre la pollution causée par le plastique, la Commission européenne a lancé le 22 février dernier une consultation sur la réduction des déchets de microplastiques. Et quel est l'objectif ? Eh bien, l'objectif de cette consultation porte sur les moyens de réduire la quantité de microplastiques qui sont rejetés involontairement dans l'environnement. Et pourquoi est-ce si important ? Eh bien, les microplastiques, hein, qui sont des particules de plastique d'un diamètre inférieur à 5 mm, elles s'accumulent, hein, tout au long de la chaîne alimentaire et elles se retrouvent dans le sol, l'air, l'eau et les organismes vivants. La pollution par les microplastiques, c'est une source de préoccupation, hein, en raison de ses effets néfastes sur la santé humaine et la biodiversité, notamment sur les écosystèmes vulnérables. Et comment peut-on participer à cette consultation et jusque quand est-elle ouverte ? Eh bien, pour cela, rendez-vous sur la plateforme de consultation publique, hein, du ministère de la Transition écologique. La consultation est ouverte jusqu'au 17 mai. Camille, tu souhaitais aussi évoquer avec nous une dernière initiative en lien avec le pacte vert. Oui Yves, alors après l'alimentation, la lutte contre les microplastiques, on s'intéresse maintenant à la biodiversité. Alors la Commission européenne a annoncé le 17 février dernier un investissement de plus de 110 millions d'euros dans des projets intégrés de protection de l'environnement et du climat au titre du programme LIFE. Ces projets, ils ont été sélectionnés à la suite d'un appel à propositions qui avait été lancé en 2020. Et qu'est-ce que le programme LIFE ? Eh bien, le programme LIFE, c'est un des principaux outils financiers de l'Union européenne pour les politiques qui sont liées à l'environnement et au changement climatique. Dans quel pays se déroulent les projets retenus ? Alors, c'est nouveau, hein, grands projets environnementaux et climatiques qui se déroulent dans 11 pays de l'Union européenne, Chypre, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la France, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, la Slovénie et la Tchéquie. Quel est le projet français soutenu par le programme LIFE ? Eh bien, il s'agit du projet LIFE Biodivest, donc qui se déroule, comme son nom l'indique, en région Grand Est. Le principal objectif de ce projet, c'est de construire les conditions pour l'action. Alors, ce projet, il prévoit de développer le socle nécessaire à la mise en œuvre de la stratégie régionale pour la biodiversité. Il s'agit en fait de mobiliser les acteurs, hein, en renforçant les moyens d'agir en faveur de la biodiversité et de démultiplier l'engagement des porteurs de projets. Comment ce projet va-t-il s'articuler ? Eh bien, de manière opérationnelle, hein, le projet il aura pour objectif de développer une ingénierie, c'est-à-dire développer les compétences techniques et écologiques à même d'analyser les enjeux à la croisée de l'écologie, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture ou encore de la sylviculture, de l'ensemble des acteurs. Quel est le coût de ce projet ? Bien, le projet, dans sa globalité, il atteint un montant de 26 471 000 euros, donc pour une période de 10 ans, et il regroupe 16 partenaires co-bénéficiaires, hein, parmi lesquels les 6 parcs naturels régionaux, les conservatoires d'espaces naturels ou encore la Chambre d'agriculture régionale. Camille, tu disais un peu plus tôt qu'il s'agissait d'un projet intégré. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, les projets intégrés permettent aux États membres d'obtenir d'autres sources de financement de l'Union européenne, comme par exemple des fonds agricoles, des fonds structurels, régionaux et de recherche, mais aussi des fonds nationaux et des investissements du secteur privé pour aussi faire une vraie différence. Voilà, c'était la chronique Europe en Air sur Radio Fagette, présentée par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, Centre Europe Direct Territoire Lorrain. À bientôt pour une prochaine chronique et portez-vous bien.